regardé vers cette clarté. J'ai cru que c'était le soleil, mais non, il était caché. L'intensité pourtant pareille. Elle est de ces très belles lumières qui réchauffent mon âme et mon cœur, aussi puissante qu'un éclair. Elle ne m'apporte que du bonheur, du bonheur. Dans ton regard, femme, j'ai lu notre avenir. Tu ravives ma flamme. C'est un plaisir. J'ai lu dans la lueur de tes yeux cet amour enfin partagé. Et je ne rêve que de nous deux. Pourrais-je trouver mon être aimé? Être aimé. Chaque jour. Ravive ma flamme.